fais de la musique tous les soirs. Tous les soirs. À quoi ça sert à part faire le vide, me saouler, hop, je le fais déjà solo ma taille. Une fusée, moi je joue les astronautes, ma mère. J'ai trop usé avec mes délires de sa gosse. Oui, j'en parle dans tous mes onze. Parce que ça me ronge et ça me rongera à vie. Y'a rien à faire, je crois bien que c'est maladif. On fait du mal à ceux qu'on aime, je vais pas trop faire le classique. Ma mère, c'est la plus belle quand elle sourit. Ce titre est personnel, c'est mes séquelles sur papier. Fini l'époque où le saut de l'ange par la fenêtre me tentait. J'ai fait du chemin, je me suis trompé, c'était pas le bon. Je pensais avoir trouvé l'amour, mais lui non plus, c'était pas le bon. Ça m'a rendu aigri, et aujourd'hui c'est ma femme qui paye les pots cassés. Je sais c'est trop bête, mais gros, je fais pas exprès. Ça fait gaulerie, les gens sont pleins de promesses qui tiendront jamais. J'fume des gros pères, qui coucherait un zèbre. Je m'envoie une taille et c'est normal. C'est normal. Je suis posé avec mes gars, nique des nights, c'est le quatrième que j'éclate, frère. J'ai plus la tête à rien, à part au rap et encore, faut que je laisse une trace, un gosse. Ce se mort, j'm'envoie une taille et c'est normal. Je suis posé avec mes gars, nique des nights, c'est le quatrième que j'éclate, frère. J'ai plus la tête à rien, à part au rap et encore, faut que je laisse une trace, un gosse. Ce se mort, se couche tous les soirs. Comme si demain était acquis, alors que notre cœur peut lâcher pendant la nuit. Je vis, oui, mais pour combien de temps? Je me questionne le bien, le mal, lesquels de mes actes seront les plus convaincants? Je frise la folie quand je finis ma day. Pathétique, je le sais, mais je te jure, j'ai besoin d'elle. Elle m'en procure et puis l'inspire démon. À vos lumières, moi j'ai toujours préféré l'ombre. M'en voulez pas, à votre jet set, je préfère ma zone. Je gagne sur tous mes titres, hip hop depuis petit. J'ai toujours eu ce côté poétique, je suis dans mon monde, je fais ma musique. Je kick ce qui pense tout va. Mais je le dis pas, je frime devant mes gars, je tente d'oublier papa comme lui l'a fait. Au calme, je tise ma pierre, c'est le naufrage dans ma tête. Je suis perdu comme ça mon frère, je crachais tout part, j'avais pas de loyer. J'oublierai pas ceux qui m'ont assuré. Merci les gars, pour vous je ferai pareil. Je m'envoie une day et c'est normal. Je suis posé avec mes gars, nique des nights, c'est le quatrième que j'éclate, frère. J'ai plus la tête à rien, à part au rap et encore, faut que je laisse une trace, un gosse. Ce se mort, je m'envoie une day et c'est normal. Je suis posé avec mes gars, nique des nights, c'est le quatrième que j'éclate, frère. J'ai plus la tête à rien, à part au rap et encore, faut que je laisse une trace, un gosse, ce saut mort.